Rico, wesh le quartier Kerico. Cigare Havana Coco, on veut le monde Tico. Porto Porto Rico, wesh le quartier Kerico. Cigare Havana Coco, on veut le monde Tico. Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico. Calende, on se voit en Alicante. Reste cool, j'te fais ta soirée. J'ai bu un verre, j'suis qui est sur la taille, le cous. Il est en fumette, tous tous. Pour mettre une bouse bouse, ça fait des soirées mousse mousse. Dans la fête à Bartanana, dans le soleil de Punta Cana. Mon collègue au fond du club, il fume la marijuana. Sur la tête, j'veux le palmer. Côté passager, veste calée. Le cupi, il vient péter. J'prends la halba, showcase mon billet. Cigare Havana, on se voit dans les îles. On voyage, cerveau sous résine. Cigare Havana, on se voit dans les îles. On voyage, cerveau sous résine. Porto Rico, wesh le quartier Kerico. Cigare Havana Coco, on veut le monde Tico. Porto Porto Rico, wesh le quartier Kerico. Cigare Havana Coco, on veut le monde Tico. Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico. On se voit à Porto Rico, El Arbol de Mexico. Votre pêche aime du Kerico. J'mets les mots cassés. Mucho, mucho. C'est carré comme en Corée. La fusée il fait planer. Je les baisse, non faut pas te fâcher. On style fin de trois mouna. Hela, hela, hela. Envoie les Khalissa Benga. Hela, hela.